des rois. Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Dieu de grâce, le maître de temps et des circonstances. Amen, amen. Bien-aimés, nous voulons louer notre Seigneur. Pendant qu'on est en train de nous préparer un bon cantique, est-ce que quelqu'un peut se tenir debout afin de bien louer son Seigneur ce soir? Est-ce qu'on peut se tenir debout, bien-aimé? Est-ce qu'on peut se tenir debout et louer le roi des rois? Amen. Yes. Let's have mulolo, mulolo, mulolo, mulolo. Balance on the paper. Balance on the paper. Balance on the paper. Paper, paper, paper. Balance on the paper. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Lilolo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Yeah, bombinga na makila, bibomba bomba, yeso yo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Yeah, bombinga na makila, bibomba bomba, yeso yo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso yo. Oluka nga yo bela liboma. Yesu asiya bombinga ye. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso. Oluka nga yo bela kilau. Yesu asiya bombinga ye. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso. Ah, Israel bomba ni wapi? Bala masili mayele o. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso. Oh, Yesu kaba sekirite, bandanga kisi bakosa ye. Bibomba bomba. Oh Yesu kaba sécurité, bato balonge bakosa o. Yesu tiki na ye bato minene o abombi kamoto pamba o. Yesu tiki na ye bato mayele o abombi kamoto pamba o. Dizi, danse, danse, danse. Bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez, bougez. Yes, I think I know you, but you're my yellow. I'm bombing a moto pamba. Batwa minene, abombi na moto pamba o. Bibomba bomba, yeah yeah yeah, abombi ba faibles nanga, ye moko po infernanga yo. Bibomba bomba, yeah yeah yeah, abombi ba faibles nanga, ye moko po infernanga yo. Bibomba bomba, il n'y a pas de héros sans histoire, bitumbe le bisa yo tema. Ah, il n'y a pas de héros sans histoire. Bitumbe le bisa yote. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso. Ilombe ozako luna lelo, eh, bamona kipe bapasi. Bibomba bomba, eh, tuna histoire. Bibomba bomba, ah, bato oyo yeso abombaka, baka mwisaka mokilo. Bibomba bomba, eh, bibomba bomba, yeso. Allez, maboko. Maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko, maboko. Kangamanu fire, fire. Église fire, fire. Lakisa fire, fire. Encore une fois, saison en gaio, saison en gaio, saison en gaio, saison, saison, saison, saison en gaio, alléluia, alléluia, saison en gaio, ah, chamakanda, alléluia, yem, alléluia, wamakanda, alléluia, yem, alléluia, wakweta, nende yo, yem, alléluia. Dieu Tout-Puissant, mon âme t'adore. Non seulement pour ce que tu as fait pour moi, mais pour ce que tu es. Je dépose à tes pieds mes fardeaux, mes peurs, mes atteintes. Et je me prosterne devant ta face, devant ta majesté, pour t'adorer. Reçois mon silence autant que mes paroles. Reçois mon cœur tout entier comme une offrande agréable d'adoration ce soir. Tu es saint. Nul n'est comme toi. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Asante kwa kufika kwenu magharibi ya leo. Napenda tushimame ili tupate kwanza kuaklame utukufu ya Mungu sababu aliweza kutuchunga na kutukinga. Benye kushimama tunaheshimisha mtumishi wa Mungu baba karibu force que tu m'as donné, Seigneur. Je libère ma vie. Je libère ma famille. Je libère mon pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kuamkia watu wawili. Sema shalom, sababu tunakuwa makutano ya Mungu wa amani. Tunambariki Bwana kwa magharibi ya leo kwa neema yake na baraka yake. Kwa yote anatufanishia. Anaturuhusu tukue hapa na kuingisha mtu mmoja ujio yake. Tunasema asante. Tunasema asante kwa Reverend Désiré na kwa Mama Pia na kwa watumishi wote wa Mungu. Tumekuwa na utambulisho kwa kazi yote mnafanya. Inakuwa ni heshima kwetu kujikuta hapa pamoja na mke wangu haliweza kumsalimia. Inabidi Mkristo mmoja ajue kwa ajili ya nini tumekuwa kukanisa. Kumekuwa maina nyingi. Ya kwanza tunaenda kukanisa sababu ya kumwabudu Bwana. Tunapanda kukanisa njuu ya kwenda kumrudishia Mungu ibada yenye inapendezwa. Kufatana na Ebrania sura yake 12 na mstari wake wa 28. Hivyo tulipokea ulimwengu yenye haiwezi kutikizika. Tunarudisha yenye ibada inamwelekea. Atuabudu sababu ya ili ataweza kutenda, lakini tunamwabudu kwa hiyo anesha kutenda. Tumesha kupokea ulimwengu yenye haiwezi kutikizika. Kwa maana tutaweza kumrudishia ibada, mtu mmoja anaweza kunisaidia. Na Na ya pili Kenya tunakuya kukanisa. Ekklesia sura yake ya tano, mstari wake moja mpaka mbili. Musiende kukanisa ya Bwana sababu ya kutoa, lakini muende juu ya kusikia. Mulikaribia hapa juu ya kusikia. La lettre que vous avez, barua yenye munakuwa nayo, vous venez pour qu'on la lise pour vous. Munakuya sababu tumisomee iyo barua. C'est comme une vieille mama qui est au village qui ne sait pas lire. Imekuwa kama mama mkubwa jijini mwenye asijui kusoma. Et qui a son enfant ou son mari en déplacement. Amekuwa na mwana wake au mume wake amesha safiri. Et on lui a envoyé une lettre. Waliweza kumtumia barua. Il faut lire pour elle. Inabidi kumsomea. Vous êtes là, nous lisons la lettre de votre époux. Munakuwa hapa tunamisomea barua ya wana wenu. La troisième raison. Na kitu ya tatu. Nous venons à l'église. Tunakuya kanisani. Pour enfanter mon éternité. Juu ya kuzala tena umilele. Avant que tu ne sois Kasongo. Mbele uwe Kasongo. Dieu t'a connu. Mungu aliweza kukujua. Et Dieu a prévu ce que tu seras. Na Mungu alitayarisha yenye utaweza kuwa. Et la Bible dit. Biblia inanena hivi. Ce que Dieu a prévu. Yenye Mungu aliweza kutayarisha. Il l'exécutera promptement. Atayatimiza sasa. Et je viens dire à quelqu'un, Dieu va exécuter ton plan même ce soir. Nakuya kuambia mmoja, Mungu atatimiza mipango yako hata jioni. En te regardant, je suis en train d'acclamer la faveur de Dieu. Nakutazama na miko na chapa kofi kwa wema wa Mungu. Dieu t'a créé une créature glorieuse. Mungu alikuumba kama umbo ya utukufu. Dès ce soir, Nadioni, au nom de Jésus, mujina la Yesu, que Dieu exécute promptement, ipate tena que Dieu exécute Mungu pleinement kwa utel, le plan qu'il a prévu. Mipango yenye hana tu tayari. Es Saül. Unakuwa Saulo. Dieu a déjà dit que tu seras roi. Mungu anesha kusema utakuwa mfalme. Ce n'est pas en parcourant les cités que tu les deviendras. Haina kwa ajili ya kwenda vijijini njo utakuwa mfalme. C'est en rencontrant Samuel, lakini ni tu utakutana na que Samuel, ton plan d'éternité devient une réalité. Mipango yako ya milele itakuwa ukweli. Quelqu'un peut m'aider en tapant les mains en disant Mungu, hey, Yahweh, hey, hey, Yahweh. Ce que tu as prévu pour ma vie, que cela soit réel au nom de Jésus Christ. Est-ce qu'il y a les hommes de guerre ici au nom de Jésus Christ? Écoutez mes frères, dans Josué chapitre 17, le verset premier, la parole de Dieu nous dit: Makir Manassé a reçu la double portion parce qu'il était premier-né. Sababu alikuwa mzaliwa wa kwanza. Car il était premier-né de Joseph. Sababu alikuwa mzaliwa wa kwanza wa Yosef. On reçoit parce qu'on est premier-né. Tunapokea sababu tunakuwa mzaliwa wa kwanza. Mais Makir, lakini Makiri, premier-né de Manassé, mzaliwa wa kwanza wa Manassé, avait eu Galad et Bassan. Alikuwa na Galad na Bassan. Parce qu'il était un homme de guerre. Sababu alikuwa ni mtu wa vita. Dans ce monde, on reçoit des choses parce qu'on a étudié. On reçoit des choses parce qu'on est beau. On peut recevoir les choses à cause des relations. Mais aussi recevoir des choses parce que tu es un homme de guerre. Est-ce qu'il y a des hommes de guerre dans cette église? Il tape la main en disant hey, Yahweh, hey, Yahweh. Dans ce mois de décembre, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de Dieu. Mon sang. Je t'ordonne. Arrête-toi. Arrête-toi. Arrête-toi. Tu ne m'atteindras jamais. tu ne m'arrêteras jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Il y a des gens qui reçoivent parce qu'ils sont premiers-nés. Mais les autres, ils leur font combattre. Pendant que les autres dorment, toi réveille-toi. Combat. Tu y arriveras aussi. Et d'ailleurs, toi, tu auras double portion. Tu auras bassin et galade. Quelqu'un peut acclamer très bien, merci. Alors hier, on a commencé, va avec la force que tu as. J'ai donné, comment on appelle, la charpente de ce que nous avons prévu avec le Saint-Esprit. Tout en étant toujours disponible au Saint-Esprit, s'il peut changer, il changera encore quelque chose. C'est un thème de motivation. C'est un thème de développement personnel. Pareil avec le texte qui dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alors ici, c'était Dieu qui apparaît à Gédéon. Parce que j'avais dit, je vais commencer par les contours contextuels de ce texte. On va commencer par le premier verset jusqu'au dernier verset. Et l'histoire de Gédéon est consignée dans trois chapitres. Plus le neuvième chapitre, l'histoire de ses enfants. Alors vous devez comprendre qu'au premier point, on parle de le contexte qu'il s'agissait en ce temps. Et après, nous allons comprendre c'est quoi la force. Là, chez les Hébreux, ils utilisent beaucoup de mots, même 11. Mais là, nous allons prendre deux mots. Celui qui est au verset 12 et celui qui est au verset 14. Les Hébreux utilisent la force inhérente qui est douée dans chaque homme, dotée dans chaque être, et la force qui va apparaître lorsque tu l'appliques. Mais beaucoup plus nous allons comprendre la pensée, la vision de notre Moulima 30. Quand Dieu a donné à son serviteur ce thème, qu'est-ce que Dieu cherchait? Alors hier on a dit au premier verset, c'est la chute de l'homme. L'humanité a péché et l'humanité a été livrée à Moab, à Madian. Comme toi aussi tu as péché, comme aussi Adam a péché. Ici, le peuple de Gédéon a aussi péché. Amen. Amen. Et c'est ce qui est arrivé. Alors pour aujourd'hui, nous prenons deux textes. Ésaïe 26, le verset 3,12. Ésaïe 26, Samsari Akeatatu. Virgule 12. Juges chapitre 6. Verset 12 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Amani. Parce qu'il se confie en toi. Sababu anajitoa kwako. Verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Parole du Seigneur. On acclame très fort, merci. Tu nous donnes la paix car tout ce que nous faisons, c'est toi qui vas l'accomplir pour nous. Pourquoi nous avons choisi ce texte? Parce que chez Gédéon, Dieu se manifeste comme le Dieu qui donne la paix. Or, dans ce texte, nous voyons la condition pour que Dieu donne la paix. Écoutez, mes frères et sœurs, recevez ces enseignements, votre vie va changer. Il y a des types d'enseignements qui deviennent populaire. Par exemple, du Saint-Esprit, on en a écouté depuis qu'on était tout jeune. On a écouté Jimmy Swaggart prêcher le Saint-Esprit. Et on pouvait seulement prendre le même verset et le reprendre. Ou même les enseignements des combats spirituels. Ça devient facile aux hommes de Dieu d'écouter les prédications de quelqu'un et de revenir parler sur les combats des familles, sur les combats des destinées. Nous prêchons aussi cela. Mais quand on vous donne un thème qui vous motive, attachez-vous à ces choses. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Quand on dit va avec la force que tu as, nous avons dit que Dieu, il ne laisse pas impuni le péché. Et dans le cas de notre contexte, il a livré Israël à Madian. Et Israël était devenu malheureux. Comme la plupart d'entre nous sont aujourd'hui malheureux. Et on a parlé les quatre cause ou source de nos problèmes. Et la solution quand on a des problèmes, c'est crier à Dieu. Israël a crié à Dieu et Dieu a envoyé un prophète. Et après la venue du prophète, et le prophète est venu rappeler Israël son alliance. Et Israël a écouté la parole. Et dans ces difficultés-là, Israël fouillait la ville. Il allait dans des ravins et dans des montagnes. Et c'est là où nous commençons à découvrir la force de Gédéon. Alors que les autres se cachaient. Alors que les autres fuyaient, Gédéon lui est allé dans les térébintes. Et dans les térébintes, nous avons dit il y a plusieurs leçons. La première leçon, c'est la loyauté malgré les difficultés. C'est la résilience. La vie n'est pas facile comme tu penses. Ce n'est pas par le fait qu'il y a un manquement tu dois quitter ton mariage. Dans chaque vie, il y a le haut et le bas. Il y a la saison sèche, il y a la saison de pluie. Tu peux vivre un moment d'oppression. Mais Dieu veut que tu restes dans ton térébin. Dans l'héritage de tes pères. Tout le monde que tu vois là, même celui que tu contemples, même celui que tu appelles ta star préférée, Tout le monde a des problèmes. Et chacun a son niveau et chacun a ses degrés. Réfléchissez un peu. Quelqu'un est directeur quelque part. Il bloque un subalterne. 2 ans après, le subalterne devient son chef. Quelle pression! Mais il résiste. Mais la plupart des chrétiens, un petit problème dans la chorale, un petit problème dans l'église, il laisse l'héritage, il va dans les ravins. Bien aimé dans le Seigneur, les gens qui nous ont abandonnés dans le ministère, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien de précieux plus que nous. Les gens qui nous avaient dit que Dieu vous a laissé, les gens qui nous avaient abandonnés, alors qu'on était informés vite, aujourd'hui, ils n'ont rien de plus que nous. Allez dans les terrains, manifeste la capacité d'être obéissant. C'est ici où Dieu vous a envoyé. Je voudrais informer quelqu'un. On ne vient pas à l'église que toi tu as choisi. C'est Dieu qui ajoute à l'église les gens. Donc si tu viens ici, c'est Dieu qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a envoyé. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer là où on ne te guérira pas, là où ta bénédiction n'est pas. C'est que si Dieu t'a envoyé ici, même si ton pasteur est Eli, il ne voit pas, mais Dieu t'appellera dans la maison d'Eli. C'est Dieu qui t'a envoyé. Voilà pourquoi dans votre parcelle il y a une église, mais tu ne sens pas y prier. Mais quand tu viens ici, tu pries avec joie, parce que c'est ici où Dieu t'a envoyé. Reste dans les térébènes, que ça monte ou que ça descende. De la même manière que dans ta famille, il y a des problèmes, mais tu n'es jamais sorti. Supporter. Alors l'ange viendra te trouver là. Et pendant que je prêche, au nom de l'appel de notre pasteur, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, ton temps arrive. Rencontre maintenant l'ange qui va changer ta destinée. Tu as rencontré des hommes qui t'ont ruiné. Mais dans ces moulis, ma tante, rencontre maintenant les gens de ta destinée. Donc nous voyons déjà dans cet homme des sentiments qui faisaient qu'il reçoive la paix. Il y a des choses au-dedans de nous qui feront que Dieu se manifeste comme Jéhovah Shalom. En fait, chez les Hébreux, le mot shalom, ce n'est pas la paix. Shalom aina tu amani. En fait, c'est la paix qui donne le bonheur. C'est la paix qui donne la tranquillité. C'est la paix qui résout les problèmes. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui donnes la paix. Quel était le sentiment qui était en Gédéon? La Bible dit dans Philippiens, chapitre 2, verset 4, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Malgré que ça ne va pas, continuez à être fidèle à l'appel. Et Dieu va t'aider. Qu'est-ce qu'on apprend par sa présence au térébent? Sa capacité de se réadapter. Réfléchis quelqu'un qui va faire le pain là où on fait le vin. Il peut nous arriver un moment. Tu n'as pas ce que tu rêves. Mais tu peux t'adapter avec ce que tu as. Tu as une farine qui ne correspond pas à l'eau. Tu peux rechanger ça, ça devient la bouillie. La capacité de vous réadapter dans vos difficultés. Très peu de personnes. Dès qu'ils n'ont pas ce qu'ils rêvent, ils s'arrêtent. Mais dans Gédéon, c'est un homme qui réfléchit et qui s'adapte. C'est très important. La paix, c'est la capacité qui permet à nos âmes, à nos cœurs d'être gardés. Philippiens chapitre 4, le verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Dans ce moulin matrant, que la paix de Dieu garde vos cœurs. Quelqu'un peut m'aider à crier eh Yahweh, eh Yahweh. Donne-moi la paix. Donne-moi la paix. La paix dans ma santé. La paix dans mon mariage. La paix dans mon église. Donne-moi la paix. Quand vous avez la paix, c'est la paix qui permet à Dieu d'écraser Satan sous vos pieds. C'est pourquoi Esaïe dit, tu nous donnes la paix. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dieu veut avoir en nous des sentiments pour qu'il nous donne la paix au bout de ce moulin matrant. Qu'est-ce que Gédéon avait? Écrivez son apparence. Comment il était, son apparence. Juges chapitre 8, le verset 18. Juges 8, le verset 18. Comment étaient les personnes que vous avez tuées? Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Or, au temps des juges, en Israël, il n'y avait pas de roi. Mais Gédéon, son apparence, quand il marche, il ne reflétait pas sa situation. Il avait l'air d'un fils de roi. Et Zebach et Salmuna ont tué deux. Mais ils ont laissé un. Gédéon. Je veux dire à quelqu'un cette bonne nouvelle. La personne qui a la force, son apparence reflète partout où il est. Il a l'apparence d'un fils de roi. Dans 2 Samuel, chapitre 13, le verset 4, on dit, toi fils de roi, pourquoi tu maigris chaque jour? Les fils du roi maigrit à cause du péché. Un fils de roi. Voilà la force qui était cachée en Gédéon. Je voudrais dire à quelqu'un ici ce soir, Tu ne ressembles pas à ton père. Tu ressembles à ton créateur. Dieu nous a créés à son image. Aucun ange a été créé à l'image de Dieu. C'est l'homme qui est l'image de Dieu. Si tu es là, ce n'est pas le kabelu qui fait de toi homme de Dieu. Peu importe ta taille, peu importe ton teint, tu es l'image de Dieu. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Nous sommes le fils du roi. Satan n'aime pas voir le fils du roi. Vivez comme fils du roi. Parlez comme fils du roi. Dieu vient chercher le fils du roi. Et toi qui me vois, qui me regardes, c'est toi le fils de roi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature merveilleuse. La Bible dit, vase de terre. Pourquoi tu contestes avec ton créateur? Il y a une science qu'on appelle éthologie qui étudie le comportement des animaux. Cette science prouve que les animaux ont difficulté d'attaquer l'homme par le visage. Les animaux aiment attaquer l'homme par derrière ou alors quand il fuit. Parce que le visage de l'homme, c'est le fils de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Fais les choses à la gloire de Dieu. Habille-toi à la gloire de Dieu. Ne fais pas de bêtises, ma soeur. Ce n'est pas le changement de ton teint qui change ta nature. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est ta nature spirituelle qui fait ta force. Sois conscient de ce que tu es. Quand il y avait la déportation des nègres, il y avait les nègres qui étaient là-bas vers Sénégal. Mais il y avait un fils d'un chef coutumier du coin. Alors quand il prenait le bois et le fardeau, lui il ne prenait pas en se plaindre. Il prenait, mais avec dignité. Alors les bourreaux ont posé la question. Cet homme est très orgueilleux. Il dit que non. Ana kiburi. Il n'est pas orgueilleux. Kwetu. Chez nous. Ni mutoto wa roi. C'est un fils du roi. Je suis fils de roi. Mon apparence, je suis conscient de ça. C'est pourquoi la plupart des personnes peuvent penser que je suis orgueilleux. Non, non, non. Je connais qui je suis. Je suis le fils du roi. Ce qui fait maigrir le fils du roi, c'est le péché. Partout où vous irez, dans une fête, ne prends pas de plastique. Il y a des gens, quand ils vont dans une fête, ils prennent des sachets pour prendre le pop-corn. La pauvreté. Avant qu'il soit un esprit, mais c'est un comportement. La Bible dit dans Proverbe, mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Partout où vous serez, on ne vous invite pas à garder votre dignité. Vous êtes fils de roi. J'ai dehors avec l'air d'un fils de roi. Je viens rappeler mon frère. Ce n'est pas ce que les gens ont dit de toi qui définit ce que tu es. Tu es fils du roi. L'homme se définit par rapport à ce qu'il entend. Tu connais Michael Jackson? Dès qu'il était enfant, son père disait: nègre, regarde le nez. Gros nez, nègre. Gros nez, nègre. Et quand il voit le miroir, il détestait son nez. Et dès qu'il a eu l'argent, il s'est fait opérer. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu es créature merveilleuse. Tu es un roi. Et le diable ne veut pas te rencontrer. Parce que toi, tu as survécu. Salomon a tué le fils des rois. Mais ouais, toi, il ne t'a pas vu. Quelqu'un me donne amen. La sorcellerie a tué tout le monde sauf toi. L'accident a décimé tout le monde sauf toi. Reconnais que pourquoi tu as survécu. Parce que tu as une mission. Pourquoi tu étais malade. Ma mère m'a dit que tu étais malade quand tu étais enfant. Et on désespérait même. J'ai posé la question, alors pourquoi Shikukufu? Et moi-même j'ai répondu, parce que j'ai une mission à faire sur terre. Quelqu'un répète après moi: je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai. Donc nous voyons, il était fils de roi. Même ton habillement doit refléter cela. Ton langage doit refléter cela. On ne t'invite pas, n'y va pas. Ce n'est pas l'orgueil. C'est l'orgueil saint. Parce que tu connais qui tu es. J'informe quelqu'un. Celui qui est gouverneur aujourd'hui, il avait acclamé le gouverneur sans savoir que lui aussi sera gouverneur. Toi aussi qui me donnes amen. Après ceux qui sont ici, c'est toi qui seras aussi. Tu me donnes amen, reçois la grâce. Tu ajoutes amen, reçois le bonheur. Tu ajoutes amen, reçois la gloire. Amina. Je t'appelle, oncle, bonjour. Bonjour. Uncle Mjambo. C'est toi qui? Nimi mami. C'est moi mami. Mami kan. Quelle mami? Mami wa Dakarum. Mami de Dakarum. Karumbu kan. Karumbu du. Shikarumbu dada yako. Karumbu ta grande sœur. Ah, ok. Ah, ndio. Bwana kole ni nani njirai? C'est ton époux s'appelle comment? Sa tonton, ça, ok. Ah, ok. Réponds au nom de tonton. Muyo manyanza kuita ndu ya makuta ya masomo kesho. Je t'appelle oncle pour juste l'argent des études demain. Kesho mi na kuita. Je te rappelle. Tu ne m'as pas enregistré dans le téléphone. Akuniandi que tu es simu yako. Tu reposes la question, c'est toi qui sais encore mami. Quelle mami? Wa Dakarum. Mami de Dakarum. Dakarum bokani. Dakarum. Dada yako. Ta grande sœur. Troisième jour tu na mi na kuita. Siku ya tatu na. Ni we nani? Tu me réponds. Je ne t'appelle plus. Tu n'as pas un autre sang que celui que j'ai. Le soleil nous appartient. Le soleil nous appartient. Le père nous appartient. Le ciel nous appartient. Ce qui dernier à toi m'arrivera aussi. Mais je ne peux pas vendre ma nature. Amen, amen, amen. Amina. Est-ce qu'il y a un fils de roi au milieu de nous? Vous voyez pourquoi Dieu a créé l'homme? Vous savez pourquoi Mungu aliweza kumba binadamu? Pour susciter la jalousie du diable. Ju apate tena kuweka chuki ndani ya ibilisi. J'étais tellement émoussé à ça, utaona. Ibilisi avait fait du mal et Dieu vient, il fait Adam. Mungu anakuya akamumba Adamu. Au ciel, c'est Dieu seul qui règne. Mbinguni inakuwa ni Mungu peke ametawala. Et sur terre, Dieu prend les règnes, il donne à l'homme. Na pa dunia Mungu anabeba ile maongozaji anampatia binadamu. C'est pourquoi le combat de l'homme et Satan mwenye kuichokoza ni Mungu. Jo kwa maana bukovi bwa Mungu na ibilisi celui qui a provoqué ça ce n'est que Dieu. Et puis quand il y a un combat au ciel, pale panakuwa bukovi mbinguni. Dieu Mungu, il devait s'en charger du diable et le jeter je ne sais où. Alipasha kumbeba shetani na kumutupa shijue ni wapi. Mais il le jette encore sur terre. Lakini anamutupa pa udongo. Tu es un fils du roi. Unakuya mwana wa Gédéon avait l'air d'un fils de roi. Gideoni alifananisha na mwana wa mfalme. Kutu bantu pafeti ya Yamado, Kayamado. Unaonevez mancho na roi rouge. Juste le petit Yamado, tu vois comment les yeux deviennent rouges. Pourquoi tu es fâché? On ne me prend pas avec importance. On me voit sans valeur. C'est quoi? On a donné les sucrés à tout le monde. Et moi, je n'ai même pas vu une bouteille. Tu sais qui tu es? On a dit Waukonani. Fils du roi des rois. Moi, non, mon frère, mais wa le créateur, c'est ton père. J'ai parlé à quelqu'un, le créateur c'est ton père. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. C'est que Gédéon, comme qui n'a chimama, je suis comme un lef, comme un moufoupi, mais il a de l'air. Il y a certaines personnes, il est chef, mais très nul. Il mange les cacahuètes partout. Frère, donc, tu sais qui tu es? On a dit ouais, ouais, konani. Identité, ben ujishake. Ah, tambolisho, on le vend pas. Comment ujishake identité kuna kuisha? Lorsque tu vends ton identité, c'est fini pour toi. Ne sois pas Esau qui peut vendre les droits de naissance. Moi, je connais qui je suis. Je suis la dernière des créatures de Dieu. Dieu lui-même est venu pour moi. Même si je n'ai pas. Mais je sais qui je suis. Je suis la créature merveilleuse. Regarde. J'ai déjà vu quelqu'un. Sans main. Mikono. Mais il engage les gens qui ont des mains. Lakini yeye anaweka kukazi wale watu wanakuwa na mikono. Problème ni wapi pale baba? Oui, le problème non. Je connais un mtu anata français kabail. J'ai déjà vu une personne qui n'a même pas mala document, mala dossier qui renverse les articles. Mais anglais, il y a des gens qui parlent anglais. Dans l'homme, c'est ce que tu dis de toi. Dani ya binadamu ni kile que ce que tu manques ne te définisse pas. Kile unakosa akiseme kweli kweli njo kile wiko. Les premiers commerçants qui sont allés à Dubaï ou en Inde ou au Japon. Awa biashara wa kwanza walienda mu Inde ku Dubaï au ku Japon. Ils échangeaient comment? Walianza kusumbulia namna gani? C'est un anglais avec beaucoup de problèmes. 10. Ils les font avec des gestes. Ah, au moins, au bidi, au sat, au naï. Mzungu naye anashikia. Le blanc aussi comprend. Il lui dit non. Oui. C'est 10, ah, ok. Il dit oui. Et le tout fait 30. Dieu. Ah, quoi, boss? Et il devient riche. Oh. Vous le craignez. À l'extérieur, il y a un chat. Je ne suis pas encore complet. Et vos chants qui disent toujours je suis faible. Quand tu entres en prière, je suis faible. Je suis noir. Il y a des sketchs. Je ne sais pas s'ils sont gabonais ou ivoiriens. Mishijue kama wanakuya wa gabonais ou wa ivoiriens. Kana wina paka mubufupi wule. Il gagne toujours dans sa petite taille. Il fait sa comédie paka mu ile taille. Anafanya comédie yake paka mu ile taille yake. Mais les autres. Beko na ile taille onalia. Che Mungu atuchukia. Dieu ne nous a pas aimés. Quand on commence la prière, non, non, tu es fils du roi. J'ai parlé à quelqu'un, tu es fils du roi. Même si tu n'as pas mangé hier, ce que tu dis de toi-même, c'est ce qui sera réel. Il y a les gens qui peuvent dire tu ne feras rien. Toi, qui dis-tu de toi-même? Toi-même, tu dis quoi? Dis que je réussirai. Il y a des gens sur terre. Depuis qu'il est né, il n'a entendu personne lui dire que mina kupenda. C'est lui qui lui dira pour la première fois aura un sérieux problème. C'est les problèmes que nous avons ici. Quelqu'un a grandi sans père, sans mère. Où son père ne le faisait que l'insulter. Tu ne feras rien dans la vie. Plus tu as écouté ça, tu mets ton identité céleste en jeu. Mais je viens dire à quelqu'un, tu es fils du roi. Tu es le couronnement de la créature de Dieu. Et d'ailleurs, tous sont morts sauf toi. Pourquoi tu n'es pas mort? Malgré la maladie, Dieu veut t'envoyer. Dans ce moulin m'attend. C'est toi. C'est toi. Qui mangera? C'est toi. Qui voyagera? C'est toi. Qui fera? C'est toi. Si c'est toi, tu me donnes amen. Si c'est toi, tu me donnes amen. Salomon pose la question en Ecclésiaste, qui mangera? Sulemani akapika swali mu Ecclésiaste na kusema nani atakula. Il répond, c'est moi. Ya kajibu ni mimi. Il y a des gens au dedans d'eux, ils ne savent pas qui ils sont. Kuko watu ndani ndani mwabo awajue weko. Et ici, ce n'est pas Gédéon qui dit ce qu'il est. Aina Gédéon yanasema kile eko. C'est Zebat qui dit. Ni Zebat wanasema. Les gens qu'on avait tués. Watu waliweza kuua. Ils étaient comme toi. Walikuwa kama wewe. Ils avaient l'air de fils de roi. Walifananisha kama wana wa Mungu. Je parle à quelqu'un. Ninasema na mtu. Ton étoile brille. Inakuwa tena. Ton étoile brille. Étoile yako ina. Ton étoile brille. Iko na meremeta. Ton étoile brille. Iko na meremeta. Et en psychologie, il n'y a pas de créature fainéant en tout. Maintenant, les hommes regardent ce qu'il manque et ils commencent à pleurer sur ce qu'il manque. Il y a de ces gens-là. Il s'est vraiment donné à l'école, mais il n'a pas pu. Foutron, tu n'aimes pas les études, tu ne feras rien dans la vie. Mais il est devenu commissionnaire, vraiment un commissionnaire très terrible. Je peux chercher pour moi ce genre de papier. Dans 15 minutes, il apporte. Français, oui. Quand il parle pas français, mais il a des aptitudes. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Adam. Adam, Adam, où es-tu? Ukowapi? Il dit, je me cache. Pourquoi? Parce que je suis nu. Dieu pose la question. Mungu akamswali. Qui t'a appris que tu es nu? Nani anakufundisha kusema uko uchi? En toi, il y a des choses. Va avec ce que tu as. Je parle à quelqu'un, va avec ce que tu as. Je parle à quelqu'un, va avec ce que tu as. Il y avait un joueur dans l'équipe nationale, il était capitaine. Très bon joueur. Il était un bon joueur. On lui a donné, il devrait lire. Et la RDC. Mon pays. Ça, bantu bubaya yabo. Le mal avec les humains. ne s'emboque de ce que tu manques. Et il n'apprécie pas ce que tu as. Parce que ce que tu as, les autres ne le voient pas. C'est à toi de le sentir. Et va avec la force que tu as. Amen. Amen. Amen. Il y a un papa, nous chantons ces cantiques, mais quand lui le fait, vraiment, c'est du désordre. Adonai. La valeur d'un homme, c'est connaître d'abord ta nature. Même si tu manques, tu ne peux pas vendre ta nature pour un transport. Jamais. Jamais, jamais. Ce que tu seras n'est pas encore manifesté. Mais bientôt là, tu le seras. Dans ce Mahomby 30, tu le seras. Tu me donnes Amen, tu le deviens. Tu me donnes Amen, tu le deviens. Et comme tu es en décembre, tu n'es pas mort. Je prophétise. Avant la fin de cette année, Dieu va t'envoyer. Tu feras les exploits. Tu libéreras ta famille. C'est toi qui porteras le premier voile. C'est toi qui achèteras. Le Dieu de la Bible va t'amener maintenant très loin, très loin, très loin. Amen. Et puis il prend les deux belligérants, il veut les tuer. Écoutez dans la vie, ça c'est important. Ma prédication, elle est tellement faible. Même mon français il ne respecte pas les normes. Parce que moi, chez nous, depuis l'enfance, on parlait Swahili Katuba. Moi, nous sommes de ceux-là qui appelaient maman depuis Butoto Mama. Papa maman. Maman. Je n'en ai. Vous voyez? Maman. Maman. Et si on veut respecter la rhétorique, la dialectique, la logique, même la prédication de Pierre de Actes 2. Qu'a-t-elle de profond? Il n'avait qu'à répéter l'histoire. Avec son hébreu pauvre. Dieu ne veut pas que tu cherches ce que tu n'as pas. Dieu veut que tu reconnaisses ce que tu as. Et va avec ce que tu as. Mon français pauvre. Mon français pas complet. Français des mathématiciens. Où on réfléchissait 1 plus 2, ça va donner ça. B carré. B carré. Delta égale B carré moins 4AC. B carré delta égale IV. C'est un raisonnement correct et rapide. Mais c'est le même français qui a déjà prêché chez les Français. Ils sont assis et nous prêchons. Au début, je voyais un qui est en train de sourire. Oui. Je disais toi. Parce qu'il y a beau temps, Iko. Leur tonalité est différente. T'as compris? Il a une tonalité différente. J'ai dit parle bien. Je disais que c'est mon français qui a un problème. Mais après, on a acclamé. Va! Avec la force que tu as. Mon frère, va avec ce que tu as. Pas avec ce que tu n'as pas. Ça ne demande pas les prières. Ça ne demande pas les jeûnes. Va avec ce que tu as. Et Dieu va t'utiliser. Comment il était? C'était un homme qui réfléchissait nation au lieu de réfléchir lui. Et la Bible parle. Là où il était, c'était un vrai disciple. Parce qu'il a répété à l'ange ce que l'ange avait enseigné. Au verset 13, il dit, mon père nous raconte. Or, c'est ce que l'ange, quand il est à Paris, il a enseigné. Lorsque vous venez à l'église, avant de prier, écoutez la parole. C'est en écoutant la parole que votre identité va apparaître. Qu'est-ce qui était caché en Gédéon? La capacité d'entreprendre. Aussitôt qu'il a rencontré l'ange, l'ange se tourne à lui. Pourquoi l'ange est venu? Pour se rappeler de l'alliance. Pour lui donner la force. Pour changer sa saison. Et comme tu es là ce soir, Dieu me dit de te dire, il veut changer ta saison. Si vous prenez Ecclésiaste 3, 1 à 7, on nous parle de trois temps. Premier temps, c'est le temps naturel. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. C'est naturel. On a le premier temps, naître et mourir. Deuxième temps, c'est le temps de difficulté. Le temps pour naître et pour nous mourir. Le temps de planter et le temps de moissonner. C'est naturel. Mais écoute le verset qui suit. Non seulement qu'il y a le temps naturel, il y a le temps difficile. Il y a un temps pour tuer et un temps pour guérir. Ça, ce n'est pas un temps normal. Ça, c'est un temps prophétique. Quand on tue, le temps qui vient après, c'est enterré, non? Mais ici on dit, il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Non, ce n'est pas normal. Quelqu'un est tué. Qu'est-ce qui va rester? C'est l'enterrer. Mais non, Dieu va passer dans la vie et Dieu va ressusciter la personne et Dieu va commencer à guérir. Si tu as vécu le temps difficile, le temps de pleurer et le temps de rire, c'est le temps de Dieu. Si tu as vécu le temps de pleurer, ton temps de rire arrive. Dieu dans ta vie vient changer ta saison. Tu es perdu. Ton temps de te lamenter est déterminé. C'est le temps de danser. Tu me donnes amen, le temps arrive. Tu ajoutes amen, le temps arrive. Alors Gédéon, par cette rencontre, il a reçu les sensibilités prophétique. Vous allez voir qu'il parlait avec Dieu. Il parlait avec Dieu. Qu'est-ce qui a activé cela? C'est son action de grâce. C'est son cœur généreux. Il a offert à Dieu cette même nuit. Là, je lui donne maintenant des directions. Ma prière pour toi, dans ce moulin matin, que l'ange commence à te parler, que Dieu commence à te donner des orientations. La force d'un chrétien, c'est ce qu'il a reçu de Dieu. Ce que Dieu a dit de toi, c'est ce qui va déterminer ton avenir. L'apôtre Paul, à Jérusalem, il parle. Et Dieu lui dit la nuit, comme tu as témoigné à Jérusalem, tu témoigneras aussi à Rome. Le verset suivant, 40 personnes vont faire un jeûne pour tuer Paul. Frère, le complot est venu après la promesse. La force d'un humain sur cette terre, c'est ce que Dieu a dit de lui. Amen. Amen. Comme vous priez là, que Dieu Mungo te donne même une parole, mais vraie. Je dis à quelqu'un que Dieu te donne ne serait-ce qu'une, mais qui va changer ta destinée. Que Dieu réveille nos sensibilités prophétiques. Le problème de l'église de ce temps, c'est qu'il y a, je vais dire, 4 types de prophéties. Premier type de prophétie, Deutéronome 18, le verset 10. Les bonnes aventures. On annonce les choses pour plaire. Et tout le monde peut prophétiser. Dis-toi là. Je te vois à côté de Fachi, toi. On va vérifier ça comment. Je connais un garçon, il est maçon. On lui avait dit que tu seras président de la République. Vous avez dit? Papa, on a bicha prophétie. Vous êtes en train de nier ma prophétie. Je ne nie pas. Barasema je. Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'ici deux mandats, je serai président. Juste après deux mandats, je serai président. Si tu deviendras président, soit tu vas faire les faux, l'armée, ou entre dans les partis politiques, ou alors fais d'abord les études universitaires. Papa, c'est Dieu qui me l'a dit. N'allez au bras maçon. Jusqu'à présent, il est toujours maçon. On avait une sœur et on a ombre dans mon chat. Les deux on a dada moi qui priait, on lui dit apporte ton offrande. Dieu me dit, Mungu akanyambia, tu seras la femme du président de ce temps-là. Oui, Bibi wa rais kwa hiyo kwa ile wakati. Ça bon? Je dis ah réellement. Le rais à chaque fois na kufa. Et ce président est déjà décédé. Dada ngari wa na chunga rafi. La dame est en train toujours de patienter. Deuxième type de prophétie. Na matabiri ya pili. Isaïe 30. Isaïe 30. Le verset 9. Les chimères. C'est-à-dire, prophéties grandes qui ne s'accompliront pas. Pas parce qu'on n'a pas la foi. Parce que l'homme qui a donné pour chercher quelque chose. C'est pourquoi, mes frères. Toute prophétie reçue à l'extérieur doit être confirmée par Dieu à l'intérieur. Matabiri yote tunapokea nje inabidi kuwa na uhakikisho kwa Mungu mundani. Je reprends. Narudi. Je prophétise. Mina tabiri. Surtout yangu ya 4 heures kama mimi napika maombi sana. Ma 4 heures juste après ma forte prière. Nikalaka na kabushingishi kangu ka. Ya petit sommeil. Ka 4 heures. Nizi kuna mambo ata 15. Je peux voir même 15 problèmes. Mais le problème qui ronge l'église, c'est que la sensation prophétique, nous l'avons perdue. Dieu ne nous dit pas quoi faire, mais il nous dit toujours qu'est-ce que tu vas recevoir. Mungu asituambie nini inabidi tufanye, lakini anatuambia ile tutaweza pokea. Je te vois conseiller de Donald Trump. Nakuona unakuya conseiller wa Donald Trump. Anglais. Ah oui. Je ne connais pas parler l'anglais. Passeport. Ah ouna. T'as pas de passeport. Visa. Oui, attends, je sais même pas où on peut trouver un visa. Mais je prie que Dieu te donne la sensibilité prophétique. Que cette nuit, Dieu te dise quoi tu dois faire. La Bible dit, d'après tes prophéties, que tu combattes le bon combat. Et pour Gédéon, Dieu lui dit déjà, la maison de ton père, il y a un problème. Amen, amen, amen. La maison de ton père. Ça, Gédéon ne savait pas. Toi aussi, il y a des choses que tu ne sais pas. Ma prière pour toi, que Dieu, Mungu, au lieu de découvrir les chaussettes que tu as portées, qu'il te dise quoi tu dois faire pour réussir. Amina. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tout, tout. Sababu leo, kuna kuwa vyote tu. Je vois les draps que tu as mis dans ta chambre, c'est couleur verte. Naona ile madra unesha kuweka chumbani kwako inakuwa na rangi ya majani. Dieu lui-même viendra te parler. Recevez la sensibilité prophétique. Dieu va vous parler vous-même. Dans notre église, il y a une sœur. Déception trois fois. Ana pata ma déception mara tatu. Elle voulait se suicider et nous sommes allés la récupérer, on a prêché, elle revient à l'église. En priant, Dieu est venu lui parler. Il dit, tu vois ta mal là où il y a les habits? Partage en trois. Une partie donne à ta mère, une partie tu le gardes, une partie tu donnes aux autres. Tu verras ce que je ferai. Elle obéit. Votre problème aussi quand Dieu vous parle, vous n'obéissez pas. Gédéon, non seulement il avait l'orientation prophétique, même la sensibilité prophétique. Il écoute deux garçons qui racontent. Il n'était pas révérent. Les deux garçons là n'étaient pas prophètes. Ils parlaient. J'ai vu un gâteau qui tapait la tante de Madian. La tante est tombée. Et on interprète que c'est quand Pompola, c'est Gédéon. Et il écoute. Et Dieu vient lui dire, je livre Madian entre tes mains. Le problème est qu'il y a un problème. Tu as rêvé d'un papa qui a une barbe blanche. Et il te dit que c'est ton temps. Tu ne parviens pas à accepter. C'est pourquoi il y a la quatrième sorte de prophétie. Je parle qu'on a quoi haina tena ne ya maubiri. On appelle les invectives. Inakuwa ni invectif. Michée 2:6. Michée 2:6. Non Seigneur, non Seigneur, non Seigneur. Apana bwana, apana bwana. Ma sœur, Dada, minona bafu trois kumpembeni yako. Je vois toi, trois morts autour de toi. Je l'embête chaque fois. Il a déjà d'abord fait les. Je minona bafu trois. Il te dit qu'il y a trois morts autour de toi. Yavilo teichi kasana. Tu auras accepté véridiquement cela. Non, il n'a pas ta coufa. Tu vas mourir. Je vois que il y a un trac qui t'a tamponné. Quand tu entres, je vois. C'est ton Dieu qui est déjà décédé, il est sur Dieu ta tête. C'est pourquoi tu as mal à la Dieu tête. C'est pourquoi les gens sont en train de jouer. Mais Dieu va te donner une orientation. Dieu va te donner une orientation. Je parle à quelqu'un. Dieu va te donner une orientation. Et Dieu va ressusciter la sensibilité. Shemaya Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mie ouyu. Unioneshe njui ya mambo yangu. Unioneshe njui ya mambo yangu. Kiami kufanya njoni pone. Kiami kufanya njoni pone. Kiami kufanya njoni endeleye. Kiami kufanya njoni endeleye. Je connais un pasteur. Najua mtumishi moja. 12 ans de mariage stérilité. 12 ans ya ndoa lakini asina na mtoto. Et on prie avec lui. Tulianza kuomba naye. Je vois dans mon rêve. Naona ndani ya ndoto yangu. On se rencontre avec lui à Harare, il a un bébé. Tunakutana naye lakini alikuwa na mtoto. Et on a compris que Dieu demandait qu'il voyage. Na tukielewa ya kusema Mungu alipenda asa. Mama amepoke. Quand il est allé à Kasumbalesa, la maman a conçu. Pa kusema bafike Johannesburg, mama anezala. Avant d'arriver à Johannesburg, la maman Mungu a donné naissance. Tamoya. Même un seul. Que Dieu parle avec toi. La prophétie. C'est pourquoi un homme dit il y a la différence entre la prophétie et la matabiri. Mmoja anasema kuna achanisho na prophétie et les matabiri. Ah oui. Amen. Amen. Welcome kono yon. Et amen. Nous sommes dans Maombi 30. Mulima 30. Tuko mumulima 30. Una ma problème ina sija una kombana sana. Tu as des problèmes, tu as. Mais sur cette parole, nous allons lancer le filet. Tu vas réussir dans Dieu va te dire quoi tu dois faire. Dieu va te dire quoi tu dois faire. Soyez béni. Soyez béni. Tu as une identité. Tu as une identité royale. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu va ressusciter en toi le parler de Dieu, la sensibilité de Dieu. Et c'est pourquoi tu vas commencer à réussir. C'est très important. Acclame très fort, acclame très fort. Et enfin, Gédéon, c'est un ingénieur. Gideoni anakuya uleko na tunga. Dieu, même si tu es ami de Dieu, Dieu parle avec toi le matin, le midi, le soir. Ata il y a des choses que Dieu attend que toi tu conçoives. Anachunga kuko bingine inabidi wewe mbele utunge. Le problème des cruches de flambeaux, Dieu ne lui a pas dit. Mambo tena ma cruche na ma flambeaux, Mungu asikumwambie hiyo. Nous avons des gens spirituels. Tuko na batu beko na beko kiro sana. Leo namuuliza Mungu, Mungu nitafuala nini leo? Il pose la question à Dieu, je veux m'habiller comment aujourd'hui? Nakuchunga baba. Je te patiente. Leo namuuliza Mungu, mimi naanza kwenda muvile, niende direction kani baba? Pose la question à Dieu, je vais aller au centre-ville, je dois prendre quelle direction? Ile yako chiro. Kiyako kinapita. Cette façon d'être spirituel déborde. Il y a des gens comme ça. Mettre les couleurs, ce n'est pas Dieu. C'est l'élégance. C'est toi de mettre les couleurs. On ne met pas plus de 3 couleurs sur soi. Tu dois être élégant. Comme on a arrangé l'église, c'est le pasteur. C'est la vision. Le temple où Jésus est entré. Ça n'avait pas le même modèle comme Salomon. Hérode l'a modifié. L'a modernisé. On appelait ça temple d'Hérode. Dieu a mis en toi les capacités. La différence entre l'homme et l'animal, c'est la conception, c'est la réalisation, c'est la amélioration. Depuis qu'on t'a connu, tu ne mets que ta chevelure d'un côté seulement. Change un peu de modèle, mais au milieu, mais aussi de côté. Ton oseille, tu ne prépares que. Tu prends les citrons, tu mets. Et ton époux peut poser des questions, ça ce sont des fétiches ou quoi? Parce que mais pourquoi il est en train de te fuir? Il retrouve ça ailleurs. De l'autre côté, on met de la viande, un cure-dent à côté. Chez toi, il y a ni couteau, il y a ni fourchette, il n'y a pas de cure-dent, il n'y a pas de sel, il n'y a rien. Va avec la force que tu as. C'est la capacité d'entreprendre. C'est la capacité d'améliorer ce que tu as. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse. Wow, ça m'a pris déjà la prédication d'aujourd'hui. Ça devait être hier. Et demain on commence. Très bon enseignement. Les 10 ennemis de la force de l'homme. Tu as des ennemis. Oui, la santé. Si ta santé devient fragile, tu ne peux pas réaliser tes projets. Je veux prier pour ta santé. Dieu va te donner la vigueur. Si tu manques l'argent, tu n'auras pas la force sur terre. Nous sommes debout, nous voulons faire la prière. Le premier ennemi de la force en toi, c'est la peur. Ou les choses que tu as vécues. Les choses par lesquelles tu es passé. Tu tapes la main, tu fais la prière. Libère-moi, Seigneur. Je ne connaissais pas mon identité. Je suis un fils du roi. Tu parles à Dieu, tu pries. Parle à Dieu, prie. Parle à Dieu, prie. Seigneur Dieu, notre Père. Orientation prophétique, c'est combattre les idoles de la maison de mon père. C'est ce qui cachait la force de Gédéon. Chez vous, il y a eu des cérémonies. Vous avez mangé des choses cérémoniales. Il y avait des rituels. Alors c'est à toi de dire: je renverse. Je détruis tout ce que mon grand-père avait fait. Je détruis tout rituel le jour de ma naissance. Je renverse tout rituel le jour de mon mariage. Je renverse tout rituel le jour de ma nomination. D'après mes prières. D'après mes prières. Ya, prière. Devient selon les révélations qu'on a eues sur lui avant sa naissance. Avant la naissance de Gédéon, il y avait l'apparition. Qu'est-ce que je dis? De Samson, il y avait l'apparition. Il y a des personnes qui deviendront selon les rêves de sa mère, selon l'apparition du grand-père. Deux, l'homme devient selon la consécration. Lorsque Jésus est né, il y avait les prophéties avant, et puis il entre dans le temple, Siméon le consacre. Il y a des gens ici qu'on a consacré à ne jamais être marié pour Jésus. Il sera contre tous et tous seront contre lui. Tu dois dire non aux apparitions. Tu dois dire non au premier mec qui t'avait reçu. La sage femme qui t'avait reçu. Tu ne connais pas son état d'âme. Tu dois déconnecter ton âme. Tu dois dire, je dis non à toute consécration maléfique, à toute idolâtrie. Table mes prières. Table mes prières. Table mes prières. homme de guerre va recevoir une double portion. Un homme de guerre qui tape les mains. Un homme de guerre qui crie. Un homme de guerre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux voir les hommes de guerre qui tapent les mains après. Hey Yahweh, hey Yahweh! Hey Yahweh! À moi il y a la force. Dans ces moulins ma 30. Dans ces moulins ma 30. Elle apparaît. Elle apparaît. Tout obstacle. Ankishibote. Cérémonie yote. Rituel yote. Barifanya munumba yango. Doka, doka, doka, doka, doka, doka. Onode, onode, onode. Munyumba yango. Presence yote. Presence yote. Ina bloke. Ina bloke. Kwendelea kwango. Kwendelea kwango. Dawa yango. Hey Yahweh, hey Yahweh. Hey. Leo, Doka, Doka, Doka, Onode, Onode, Onode. Esprit à réclamation. Esprit à réclamation. Aïe, aïe, aïe, aïe. Esprit à résistance. Esprit à résistance. Inakatala nikuye kile mungo wanasema. Leo, Yanguke, Itoke, Itoke, Itoke, Itoke. Lève tes mains, je veux prier pour ta connexion prophétique. J'ai péché toute la nuit, je n'ai pas eu. Mais sur ta parole, je vais jeter la force d'un homme sur terre. C'est l'orientation prophétique. Que Dieu te dise quoi faire, quoi ne pas faire. Tu auras la force. Le complot va venir après. Même si le vent s'élève, Paul doit arriver à Rome. Pourquoi Paul n'est pas mort? Dieu lui a dit, tu arriveras à Rome. Toi aussi, Dieu va commencer à te parler. La Bible dit, cette même nuit, Dieu dit à Gédéon, va détruire. Dieu aussi va te parler. Seigneur, je dédie cette église à toi. Depuis les pasteurs, maman, tous les serviteurs et tous les chrétiens ici, notre force, c'est ce qui sort de ta bouche. Parle-nous, Seigneur. Oriente-nous, ô roi, pour résoudre nos problèmes. Devant nous, il y a des défis. Devant nous, il y a des problèmes. Je ne saurais pas les résoudre. Donne-moi une orientation. Donne-moi une direction. Parle à ton peuple. Et nous allons te servir. Au nom de Jésus le Seigneur. Avec joie nous disons. disons Amen. Merci. L'orientation prophétique prie beaucoup sur ça. Vous voyez Isaac. La famine arrive. Il veut aller en Égypte. Dieu apparaît. Il ne va pas en Égypte. Vous comprenez? Mais là où Dieu lui a dit, il y a eu des problèmes, mais il a réussi. Parce qu'il était conscient. C'est Dieu qui m'envoie. Toi aussi, Dieu va te donner une orientation. Cette même nuit, tu prieras. Pas 20, pas 30, même une parole. Quoi tu dois faire? Il termine par la moitié de cage. Mais certaines personnes ont 31 jours en Christ. C'est l'orientation. Nous passons aux offrandes en acclamant très fort. Merci. Nous approchons avec 20 000 rapidement, rapidement. Viens donner ton offrande rapidement. Tu dédies le mois de décembre entre le mains de Dieu. Que Dieu te préserve de la mort, des accidents, des difficultés. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Seigneur, je dédie ma vie, je dédie ma famille sous ton contrôle. Bénis-nous, couvre-nous de ta grâce, couvre-nous de ta bonté. Nous voulons nous retrouver demain pour voir la grandeur de ton nom. Au nom de Jésus le Seigneur, avec joie, nous disons Amen. Merci, que Dieu vous bénisse.